France Culture avec philosophie Géraldine Mühlmann. L'ombre et la lumière, c'est notre série cette semaine. Aujourd'hui, analysons une idée très présente en philosophie ces dernières années, l'idée que des pans de la société sont moins visibles que d'autres. Être visible, est-ce essentiel pour exister ? L'invisibilisation est une notion de plus en plus employée en philosophie et en sciences sociales. Elle suggère que la domination de certains sur d'autres s'exprime notamment par une certaine incapacité à voir ces autres. Mépris de classe, condescendance raciste ou sexiste, toutes ces atteintes à la dignité des personnes, autre mot très utilisé, signifieraient singulièrement les rendre invisibles, les mettre dans l'ombre, leur dénier toute lumière véritable. Aussi, beaucoup de luttes pour être mieux traitées et respectées dans notre société revendiquent le droit à plus de visibilité. Mais je voudrais poser cette question, est-ce le bon mot ? Plutôt que de la lumière, n'est-ce pas d'abord un bon salaire, de bonnes conditions de travail et une courtoisie élémentaire que l'on revendique ? Et si le respect des individus passait aussi par le droit d'être un peu invisible, c'est-à-dire non stigmatisé par tel ou tel trait. Le droit à l'impersonnalité dans le droit, justement, et dans les mœurs, n'a-t-il pas aussi des vertus un peu oubliées en ce moment ? Et si le droit à l'ombre était aussi important que le droit à la lumière ? Nous allons en discuter ce matin avec mes invités. Bonjour, Kaoutar Archi. Vous êtes avec nous ? Oui, vous êtes à distance, mais bien avec nous, merci. Vous êtes écrivaine, sociologue à la Haute École de Travail Social à Genève. Vous avez publié « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne » en 2016 chez Pauvert et aussi « Comme nous existons » chez Actes Sud en 2021. Vous venez juste de faire paraître avec Joseph Andras aux éditions Divergence un ouvrage intitulé « Littérature et révolution ». Bonjour Serge Tisseron. Bonjour. Vous êtes psychiatre et spécialiste des comportements sur les réseaux sociaux. Il y a plus de 20 ans déjà, vous faisiez paraître chez Ramsay un livre intitulé « L'intimité » surexposée, rééditée depuis et complétée par divers travaux. Et vous venez de faire paraître en janvier 2024 un que sais-je intitulé L'empathie. Et bonjour Guillaume Leblanc. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris-Cité. Vous êtes l'auteur de L'invisibilité sociale, livre paru en 2009 au PUF. En 2022, vous avez publié chez Payot La solidarité des éprouvés, une histoire politique de la pauvreté. Et vous venez de faire paraître chez Albin Michel un ouvrage qui porte le titre « Oser pleurer ». En tout, vous êtes resté combien de temps dans la rue ? Presque 2 ans. Et c'est quoi ce qui a été le plus dur à supporter durant ces 2 années ? De demander aux gens, de demander la charité. Vous aviez honte, comme on le voit dans Oui. Et les gens donnent pourtant ? Oui, avec plaisir même souvent. Et d'être, de ne pas exister finalement ? Parce que effectivement, vous n'avez pas de papier d'identité, pas d'endroit où fixe pour dormir, rien. C'est cette invisibilité. C'est ce qui nous fait le plus mal de toute façon. Et je pense que c'est ça qui perd les gens, c'est que à force de se sentir rejeté et pas vu, on s'oublie à force, même nous. France Culture avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre le témoignage d'une ancienne SDF, prénommée Barbara. Elle s'exprimait dans l'émission de télévision Le Monde en Face sur France 5 en février 2017. Et elle évoque l'invisibilité dont elle fait l'objet, semble-t-il, dans la rue. Alors que c'est a priori un peu surprenant, la rue c'est ce qui nous expose. Précisément, nous sommes bien plus visibles que lorsque nous avons la chance d'avoir un toit et que nous y sommes. Est-ce qu'il y a là un emploi nouveau du mot visibilité ? Parce que, je dirais spontanément, on a tendance à penser que Barbara, ce dont elle souffre, c'est précisément de trop d'exposition et de visibilité. Et c'est un désir d'intimité, de protection, d'ombre, fort légitime, qui devrait s'exprimer en premier. Oui, c'est certain que En règle générale, on fonctionne avec une division en tête à l'espace privé, la possibilité d'avancer caché, de manière finalement dans l'ombre, de se soustraire au regard. Et le monde de la rue est un monde d'hypervisibilité, un monde public où voir semble être un droit. On voit là toute la violence peut-être sociale qui est à l'œuvre. Le fait que dans l'espace public où normalement tout doit être vu, tout peut être vu, au fond, une personne se sente à ce point invisibilisée, ça signifie qu'elle ne se sent pas regardée, qu'elle ne se sent pas appréhendée. C'est vrai que c'est un trait commun de toutes les personnes qui sont à la rue, que de ressentir cette invisibilité, qui est même interprétée par certaines personnes, et on peut penser à certaines études, notamment celle d'une psychiatre, Kezeman Dzuka, qui dans un livre, très beau livre sur la rue, qui s'appelle « Je vous salis, ma rue », explique qu'il y a un processus d'asphaltisation des personnes qui sont à la rue. C'est-à-dire qu'elles sont elles ont l'impression d'être recouvertes par le bitume avec lequel elles font un, et de ne plus exister, au fond, que dans la demande qui les ramène à l'audition, à la possibilité de parler. Mais ne pas être vu, c'est ne plus être appréhendé, c'est ne plus compter comme personne, c'est ne plus être un sujet, au fond. Merci Guillaume Leblanc pour toutes ces explications. Vous avez largement contribué à faire en France de la notion d'invisibilité sociale un concept. Et donc merci de nous expliquer comment c'est né et finalement comment on l'entend dans les paroles de certaines personnes. Néanmoins, Serge Tisseron, bon, j'enfonce le clou, celui de la surprise. Est-ce que ce vocabulaire de « je me sens invisible »,« transparente »,« les gens ne me voient pas », etc., c'est d'après vous un vocabulaire qui est un peu importé, parce que voilà, les sociologues travaillent, les philosophes aussi, cette notion est montée et parfois ça circule, ça diffuse et les gens s'expriment effectivement ainsi. Ou est-ce que ça vous paraît un vocable naturel, ou est-ce que le vocable le plus naturel n'est pas malgré tout dans vos cabinets, par exemple, de psy? J'ai besoin d'intimité, j'ai besoin d'un peu d'obscurité, j'ai besoin d'un peu d'ombre. Bon, vous savez, on n'existe que par le regard de l'autre. Et ce qui est intéressant chez les personnes qui demandent un peu d'argent ou une cigarette, c'est quand même aussi qu'ils demandent à exister. Donc, il y a une manière d'ailleurs de donner une pièce sans regarder la personne qui est la plus terrible, c'est terrible. C'est une manière d'établir une non-réciprocité. Je vous donne ça, mais j'ai même pas besoin de votre regard. Je suis qui je suis, j'ai pas besoin de vous. Et puis, il y a une manière de donner qui fait exister l'autre, puis il y a une manière de ne pas donner qui permet aussi de faire exister l'autre, en le regardant, en lui disant bonjour, écoutez, je m'excuse, j'ai pas de monnaie. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est très important quand même de comprendre que, au-delà d'une demande qui est médiatisée par de la monnaie, il y a une demande de reconnaissance. On pourrait aussi citer ces personnes qui ne se sentent pas reconnus, qui vont à la pharmacie pour acheter des petites choses de rien, mais parce que dans le contact avec le pharmacien, ils sont reconnus comme malades, alors qu'ils ne sont nulle part ailleurs. Et donc, pour répondre à votre question, non, le désir d'exister dans le regard de l'autre est premier, et le désir d'intimité ne vient qu'après. On le voit dans le développement du bébé, hein. Le bébé, il fait tout pour attirer l'attention de son entourage, tout. Il gesticule, il ouvre les yeux, il babille, et puis après, il va se promener tout nu partout, puis il est très content quand on le regarde et qu'on lui dise « allez, habille-toi ». C'est vers 4 ans, en fait, qu'il commence à construire le sentiment de l'intimité, c'est-à-dire l'idée que sa représentation du monde n'est pas forcément celle des autres, et que peut-être les autres, en le regardant, ont une autre idée sur lui que celle qu'il a sur lui-même. Et là, il va apprendre à faire la part de ce qu'il va montrer aux autres et ce qu'il va garder pour lui. Mais voyez, ce qui est premier, c'est vraiment le désir d'exister pour l'autre. Mais ça suppose que les adultes qui vont mal fonctionnent comme le bébé d'avant 4 ans, et pas comme celui d'après, peut-être parfois. Beaucoup de gens qui ne vont pas bien désirent se reconstruire d'eux-mêmes à eux-mêmes, justement en sortant des regards qu'on porte sur eux. Oui, parce que on est dans une société où il y a ce qu'on appelle une injonction à la visibilité, toujours se montrer. Regardez sur Internet la manière dont tout le monde se montre sous son meilleur jour. Une fois dans ma vie, j'ai fait quelque chose qui n'était pas très déontologique, c'est-à-dire une personne a pris rendez-vous, donc elle m'a donné son nom, on a fixé un horaire, et une fois dans ma vie, cette personne, je l'ai googlisée. Et j'ai été voir comment elle était, alors tout était beau, hein, elle était sur tous les réseaux sociaux, sociaux, merveilleux métier, merveilleuse famille, merveilleux enfant, tout formidable. Oui. Des vidéos, tout. Je cherchais une dame complètement déprimée, qui n'a rien à voir avec la représentation qu'elle donnait d'elle sur les réseaux sociaux. Il faut bien comprendre que on ne donnerait pas une telle image sur les réseaux sociaux si on n'était pas aussi un petit peu obligé de la donner dans la vie. Quand les gens disent « comment vas-tu ?», on ne va pas répondre « ben, je vais pas bien ». Ça déroute, on répond « ben, ça va ». Et puis il fait beau, c'est le printemps qui arrive et tout. Donc si vous voulez, c'est parce que les gens sont constamment obligés de s'affirmer comme étant en bonne santé, étant et ayant des possibilités, ayant des beaux enfants et tout, qu'ils ont besoin de trouver un espace, aujourd'hui le cabinet du thérapeute, dans lequel ils peuvent retrouver une authenticité, c'est-à-dire tenir un discours qui correspond à ce qu'ils éprouvent, et pas forcément tenir un discours de la légitimité sociale. Kaoutar Archi, que pensez-vous de cette demande de visibilité du mot lui-même? Est-ce que le mot n'est pas parfois là pour dire autre chose? Je trouve que c'est une question qui est très intéressante et pour essayer de l'appréhender, il me semble qu'il faut à chaque fois essayer de la contextualiser, c'est-à-dire de la rapporter à la position sociale qu'occupent les personnes qui sont en demande de visibilité ou estiment au contraire qu'elles sont trop visibles. Dans le cas, par exemple, des personnes issues de l'immigration postcoloniale, on est au contraire sur des phénomènes qui sont plus ou moins inverses, ou en tout cas qui sont davantage spécifiques aux formes de rapport de pouvoir que l'État exerce sur ces personnes-là. Inverse. Les femmes, par exemple, qui portent le voile, disent que lorsqu'elles marchent dans la rue, elles se sentent dévisagées. Elles sentent que les regards les transpercent, que les regards les fouillent, que les regards ne cessent de les suivre, de les poursuivre, et qu'au fond, elles n'échappent jamais au regard des personnes qui les regardent parce qu'elles portent ce voile. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la visibilité, mais qui est lié, qui est indexé, qui est même déterminé aux formes de rapport de pouvoir que ces personnes subissent. C'est très important. On voit bien que la question raciale, elle oui. reconfigure cette question de la visibilité. Si on plonge un peu dans l'histoire des drames qui ont marqué l'histoire de France, mais le 8 mai 1945 ou le 17 octobre 1961, quand des Algériens colonisés décident de sortir manifester dans la rue pour revendiquer pacifiquement le droit à l'égalité et poser la question de la libération, cette vision de corps jugés immoraux, jugés irrationnels, jugés des corps indigènes, entre guillemets, des corps d'exception qui n'appartiennent pas au corps souverain, qui n'appartiennent pas au corps national authentique, ces corps ont dû être rendus invisibles par la répression d'État. On retrouve des témoignages d'agents de l'État qui disaient « mais ces corps étaient trop nombreux dans la rue, ces corps étaient trop visibles, ces corps prenaient trop de place ». Donc il y a quelque chose qui me semble devoir être à chaque fois contextualisé et rapporté à la situation des personnes. Merci, c'est très important cet argument. Il va me permettre de me tourner à nouveau vers Guillaume Leblanc. Est-ce que beaucoup de gens en réalité ne souffrent pas d'hypervisibilité? Ils en ont marre de tous ces regards sur leur couleur de peau, sur leur manière de s'habiller. Et au fond, le problème de l'hypervisibilité serait aussi important peut-être à écouter Kaoutar Archi que le problème de l'excès d'invisibilité. Je pense effectivement que la question de la visibilité et la question de l'invisibilité ne s'opposent pas terme à terme. On a tendance, nous, à dire ce que je ne vois pas, c'est soit ce que je suis empêché de voir, parce que j'ai un obstacle qui rend ma vue impossible, soit c'est ce que je ne dois pas voir, et on a tendance à opposer la visibilité et l'invisibilité. Or, effectivement, je pense qu'il est plus intéressant de comprendre qu'il y a différents régimes d'invisibilité. On peut se sentir invisible à force d'être vu par un certain biais, d'une certaine façon. Et ça, c'est très très bien montré, notamment dans, effectivement, toute la tradition, par exemple, philosophique du féminisme noir. Si on pense à Audre Lorde dans Sister Outsider, elle explique très bien comment les femmes noires ont le sentiment d'être hyper visibles en fonction de stéréotypes, raciaux, etc. Et en même temps, paradoxalement, du coup, par la forme de racisme qui imprègne la vision d'être invisible. Donc l'invisibilité se combine avec la visibilité. Et je pense qu'il est très intéressant philosophiquement de distinguer deux régimes d'invisibilité. L'invisibilité dans laquelle, effectivement, qui est attachée à une vision et qui... parce qu'elle est construite sur un stéréotype, induit que la personne vue ne se sent pas vue de la bonne manière, parce que c'est au fond ça le problème. Et puis l'autre registre de l'invisibilité, qui a à voir peut-être avec l'attache sociale d'une personne, qui fait que ne pas se sentir vue du tout, c'est avoir l'impression d'inexister, d'être dans une sorte de mort sociale. Donc soit on voit quelqu'un, et on le voit par un certain nombre de stéréotypes qui construisent la vision, qui construisent notre œil intérieur, soit on voit à travers quelqu'un. Et dans les deux registres, ce sont deux expériences distinctes de l'invisibilité qui, je crois, doivent être distinguées assez rigoureusement. Alors, on entend dans ce que vous dites que le désir de visibilité, souvent, est plus précis que cela. C'est sortir d'une manière d'être vu qui fait souffrir. C'est un désir d'être vu autrement. Peut-être, dès lors, faut-il affiner le vocabulaire. C'est le cœur de notre émission. Chacun de mes invités pourra réagir évidemment à cette difficulté, à ce problème. Et je voudrais, pour relancer notre réflexion, que nous écoutions Nora, gouvernante, dans l'hôtel Hyatt Vendôme. C'était une interview du 31 octobre 2018, mise en ligne sur la chaîne YouTube du Journal de l'Humanité. L'hôtel était 4 étoiles, il est passé 5 étoiles, aujourd'hui Palace, grâce à ses petites mains. Et aujourd'hui, on demande de la reconnaissance. On demande tout simplement l'intégration à l'hôtel. On en a marre de travailler avec à chaque fois un prestataire qui change. Et du coup, on est des salariés invisibles. Il n'y a aucun Palace aujourd'hui qui est sous-traité. Leur personnel est en interne et ils considèrent que le housekeeping, tout simplement, est le cœur du métier. Si on gagne notre conflit, ça donnera de la force à tous les salariés qui travaillent dans l'hôtellerie. Ils comprendront parce que le problème de cadence, nous, on le subit énormément. On est des salariés qui ne sont pas reconnus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Halloween joue à notre faveur aussi. On est en train de montrer au parquet de Vendôme aujourd'hui que regardez comment vous nous traitez. On ne peut pas être Halloween toute l'année. On ne peut pas être des fantômes toute l'année. La notion de fantôme renvoie à leur tenue vestimentaire dans ce mouvement social, puisqu'elles se sont déguisées en fantômes, ces petites mains, comme elles s'appellent elles-mêmes, de l'hôtel Hyatt Vendôme. Kaoutar Archi, là franchement, je me demande si c'est vraiment la visibilité le sujet, même si c'est le mot qui est employé, au sens où, concrètement, ces personnes demandent à être mieux traitées, à gagner plus d'argent, à avoir... une reconnaissance de leur responsabilité dans le bon fonctionnement d'un hôtel. Est-ce que vraiment, c'est l'enjeu de la visibilité ? Je pense que la notion de visibilité, il faut à chaque fois l'articuler à d'autres notions en soi. C'est une notion philosophiquement assez peu, même politiquement, on pourrait dire assez peu autonome, en fait. La question de l'image, si on la traite de cette manière-là, on voit qu'elle est immédiatement traversée par la question de la voix. C'est aussi « entendez-nous ». Et quand on dit « entendez-nous », c'est aussi « entendez la manière dont nous souhaitons être traités ». Et on pourrait dire là que typiquement, dans ce que nous dit Nora, elle se plaint d'une sorte de régime d'objectivation qui est le produit de ce que fait le capitalisme, le néolibéralisme à ces femmes-là, à ce type de salariés. Et ce qu'elle revendique, ce qu'elle demande, ce qu'elle exige, et ce pourquoi elle se mobilise avec son corps et avec le corps de ses autres collègues, c'est « considérez-nous comme des sujets ». Considérez-nous à travers nos singularités, à travers nos besoins, mais aussi à travers nos droits. Donc pour moi, la question des droits, la question de l'égalité, la question des régimes revendicatifs politiques sont extrêmement importants. Il me semble que si on reste simplement sur une question liée à la visibilité, au visible, à l'invisible, on peut manquer quelque chose d'un contenu beaucoup plus important et qui entraîne des mouvements sociaux, qui forment des manifestations, qui forment des formes de plaintes collectives qui mérite l'écoute. Donc il me semble qu'il y a quelque chose entre l'image et la voix et l'écoute qui ici forme une sorte de triade politique à envisager. Il manque, dites-vous, certaines choses si on reste dans le strict vocabulaire de l'invisibilité et la visibilité. Vous êtes d'accord, Serge Tisseron ? Oui, je suis d'accord. Je pensais que peut-être ce qui est important, c'est de voir la place possible d'une rencontre éventuelle. C'est-à-dire qu'une personne soit hyper visible et regardée partout, cela même à la l'aise, ou qu'une personne soit invisibilisée. Finalement, dans les deux cas, c'est une rencontre possible qui est exclue. La personne me paraît tellement différente de moi. Je la regarde et je me dis, mais c'est pas possible. Ou bien la personne, je ne la vois pas, et donc je ne me pose même pas la question. Et je crois qu'au-delà de cette question de la visibilité ou de l'invisibilité, c'est la possibilité de la rencontre qui est fondamentale. La possibilité d'une rencontre à travers laquelle on découvre quelqu'un qui était jusque-là invisible, ou on découvre quelqu'un qu'on croyait voir, mais qui était en réalité invisible. Derrière le voile, par exemple, on voit le voile, on ne voit que le voile, et on fantasme, et on... Mais quand une rencontre est possible, on peut... Quand une rencontre est admise comme possible, à ce moment-là, y a la possibilité d'aller vers l'autre, et de le découvrir tout autrement de ce qu'on croyait qu'il était. Donc je crois qu'il faut pas... Alors après, il y a toute cette question qui est très bien évoquée par Nora, hein, de l'invisibilité par rapport à un employeur. Mais il y a aussi cette visibilité que se donnent réciproquement ces employés de maison, la fierté qu'ils revendiquent les uns vis-à-vis des autres. Donc en fait, invisible pour l'un, mais pas invisible pour l'autre. Et vous voyez, on est tous un petit peu... invisible par rapport à d'autres, mais l'important c'est qu'on soit visible aussi par rapport à d'autres. Trouver une communauté qui nous permette d'affirmer notre identité, d'affirmer notre fierté et compenser cette invisibilité à laquelle nous pouvons tous être confrontés un jour ou l'autre. Guillaume Leblanc, qu'en pensez-vous ? Si je peux compléter mon interrogation, vous qui connaissez très bien un philosophe dont nous allons parler, qui s'appelle Axel Honneth, qui est l'auteur de, en 1992, d'un livre qui a marqué La lutte pour la reconnaissance, n'y a-t-il pas un glissement conceptuel entre du concept de reconnaissance, Anerkennung en allemand, vers un concept que lui-même a aussi introduit justement, l'invisibilité, Unsichtbarkeit. Mais peut-être qu'en fait, chaque fois qu'on parle de désir de visibilité, on ne parle que de désir de reconnaissance, et c'est peut-être un peu plus complet et plus riche que la seule notion de visibilité. Disons que ce qui est certain, c'est que, et l'extrait que vous avez passé le montre, il y a véritablement une sorte de tournant visuel de la question sociale. L'idée que ne pas être vu, c'est justement ne pas exister socialement, s'est imposée à travers toute une série de revendications, d'analyses. Et sur ce versant, moi, je n'opposerai pas, disons, les questions fondamentales lourdes entre guillemets de la décence, d'un salaire décent, d'une égalité minimale dans le monde du travail, à la question de la visibilité, dans la mesure où je considère que le fait d'être rendu invisible dans son lieu de travail compromet, quoi qu'il arrive, durablement la tâche sociale d'une existence. Et donc, au fond, être vu, ne pas être vu, c'est l'enveloppe existentielle minimale de quelqu'un dans son attache au travail. Et est-ce que ça ne conduit pas à mettre beaucoup en avant une sorte de ressenti de la relation, plus que des données objectives, le ça. Salaire, les conditions de travail telles qu'elles peuvent être objectivées dans un contrat et dans une lutte syndicale? On est très exactement dans ce que Axel Honneth justement appelle le primat de la reconnaissance sur la connaissance. Sur le fait que, au fond, ce qui est d'abord au fondement de l'existence, c'est le fait de pouvoir interagir avec les autres. Vous avez évoqué l'exemple du bébé tout à l'heure, qui effectivement manifeste, et c'est l'interaction en fond avec les personnes autour qui crée les conditions d'un bon développement psychique. Autrement dit, l'empathie, la possibilité de s'identifier viennent aussi de la certitude que l'on est appréhendé par l'autre. Hein, et donc, normalement, le concept de reconnaissance, de Honneth, précisément, mettait l'accent sur cette dimension individuelle liée à du ressenti pour sortir, si j'ai bien compris, donc d'une vision de l'émancipation uniquement fondée sur des données objectives. Il y a aussi ces données subjectives. Donc du coup, c'est pas du tout un hasard si on est allé vers le concept de visibilité. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est pas du tout un hasard parce qu'au fond, à partir du moment où on considère que la relation à soi passe par la façon dont on est reconnu par quelqu'un d'autre, cela induit une scène de visibilité dans laquelle deux personnes, au moins, se trouvent dans le même espace. Le drame, c'est lorsque ce même espace dans lequel nous sommes devient un espace fragmenté, un espace justement brisé, dans lequel, au fond, là où je suis, toi, tu n'es pas. Parce que effectivement, il manque la relation qui pourrait abolir la division des espaces. Et c'est cette expérience-là qui est fondamentalement liée à la certitude d'un déni de reconnaissance. C'est que commence l'idée du mépris, au fond. Hein. Le concept sous-jacent à l'analyse que Axel Honneth fait, c'est ce concept de mépris social qui culmine dans le fait que on ne me voit pas alors que je suis dans le même espace. Alors je signale à nos auditeurs qui viendraient nous rejoindre que nous parlons dans le cadre de cette série sur l'ombre et la lumière, nous parlons ce matin de la visibilité sociale. Être visible, est-ce essentiel pour exister? La philosophie de ces dernières années a fait monter clairement ce concept de visibilité pour des raisons que nous sommes en train d'analyser avec Guillaume Leblanc, mais sont aussi invités dans cette émission Kaoutar Archi et Serge Tisseron. Je vous propose justement, à propos de cette montée en puissance de la notion de visuel dans le social que vous venez d'exposer à propos d'Axel Honneth, Guillaume Leblanc, d'écouter Axel Honneth précisément dans le livre que vous venez de citer, qui est un recueil, La société du mépris, paru en 2006 aux éditions La Découverte. On écoute. L'expression familière pour les formes actives d'invisibilisation est « regarder à travers quelqu'un ». Nous avons le pouvoir de manifester notre mépris envers des personnes présentes, en nous comportant envers elle comme si elle n'était pas réellement là, dans le même espace. En ce sens, regarder à travers quelqu'un a un aspect performatif, parce que cela exige des gestes ou des manières de se comporter qui témoignent clairement que l'autre n'est pas vu. Ceci de façon intentionnelle et non pas accidentelle. Il est raisonnable de mesurer le tort subi en raison d'une telle invisibilité, à la manière dont le sujet percevant se conduit activement dans l'acte de non-perception. Cela peut aller de la manifestation d'une inattention anodine, lorsqu'on oublie par exemple de saluer une connaissance lors d'une soirée, en passant par l'ignorance distraite du maître de maison à l'égard de la femme de ménage qu'il néglige en raison de son statut social jugé insignifiant, jusqu'au comportement manifeste consistant à regarder à travers que les personnes noires qui en sont victimes ne peuvent que comprendre comme des signes d'humiliation. Au regard d'une invisibilité de ce type, il semble cependant erroné de parler simplement d'une signification métaphorique. Car pour les personnes particulièrement affectées, leur invisibilité possède dans chaque cas un contenu bien réel. Elles se sentent effectivement non perçues. Un extrait du philosophe Axel Honneth dans La société du mépris, lu par Riyad Kera de notre équipe. Serge Tisseron, ces ressentis proprement visuels dans la relation sociale vous paraissent, à vous qui n'êtes pas sociologue, philosophe, même si vous théorisez beaucoup, mais qui êtes d'abord psychiatre, quelque chose effectivement de fondamental? Et est-ce que c'est un peu neuf ou bien c'est une vieille histoire de l'humanité? Ce n'est pas parce qu'on découvre l'importance que ça a que ce n'est pas une vieille histoire de l'humanité. Il ne faut jamais confondre le moment où on découvre quelque chose avec l'apparition de la chose. Alors, je voudrais quand même évoquer des expériences qui ont été faites avec les jeunes enfants, qu'on appelle le still face, le visage immobile, où une mère est invitée dans un laboratoire, tout d'un coup, elle interagit avec son bébé, et tout d'un coup, elle est invitée, sur un signal des chercheurs qui sont là, à garder le visage immobile et à ne rien manifester sur son visage. Eh bien, ça met les jeunes enfants dans des états de panique indescriptible. Et donc, ça montre bien à quel point le jeune enfant a besoin de cette interaction. Et c'est dans l'interaction que se construit la reconnaissance de l'autre. L'invisibilité, c'est pas le fait de ne pas regarder, mais c'est bien dit par Axel Honneth, on peut regarder à travers. C'est le fait de ne pas interagir. C'est le fait de ne pas avoir des mimiques adéquates à la relation. C'est le fait de presque marcher tout droit, comme si l'autre n'existait pas, en attendant qu'il se déporte un peu sur le côté pour qu'on puisse continuer comme si on ne l'avait pas vu. Et donc, je crois que ça a toujours existé hein, dans l'existence de l'individu. Ce qui est nouveau aussi aujourd'hui, c'est que probablement nous sommes dans une société où les qualités de chacun sont... L'importance de cultiver pour chacun ses qualités est beaucoup plus mise en avant. Donc plus je suis invité à cultiver mon originalité, mes qualités, à trouver mon propre chemin, etc. Et plus j'ai besoin que cela soit reconnu. Si vous voulez, quand les gens pouvaient exister simplement en se conformant à un modèle social contraignant, ben la question ne se posait pas trop. Ils se percevaient comme très proches des autres et ils se reconnaissaient mutuellement dans leur ressemblance à un modèle partagé. À partir du moment où l'accent est mis dans notre société sur le fait de se découvrir, d'affirmer son originalité, de ne ressembler à aucun autre, c'est vrai que la question de la visibilité devient absolument centrale. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que sur Internet, il y a des groupes qui fonctionnent sur le principe de l'anonymat, et que cette invisibilité peut aussi donne aussi sur Internet des groupes dans lesquels des choses très très personnelles, très subjectives, très intenses sont échangées parce que justement il y a l'anonymat. Donc vous voyez, il y a cette difficulté à articuler ces deux concepts, et finalement les penser encore une fois, je crois, par rapport à la possibilité d'une réciprocité, puisque dans ces groupes qui fonctionnent sur le principe de l'anonymat, eh bien la règle c'est que personne ne dit qui il est réellement. Mais tout le monde accepte de confier des choses intimes. Alors on va revenir très vite, Kaoutar Archi, à votre roman, à votre récit où cette question de la visibilité sociale se pose de manière extrêmement fine. Mais juste avant, si vous me le permettez, je voudrais poser la question philosophique à Guillaume Leblanc du traitement par les philosophes de la visibilité. Il me semble que ce qui est particulièrement neuf là en ce moment avec Axel Honneth, avec vous aussi, qui contribue vraiment à l'élaboration de ce concept, c'est l'aspect individuel. C'est-à-dire que l'individu veut être reconnu et vu correctement. Alors que longtemps, philosophiquement, les rares penseurs du politique, mais il y en avait quand même, notamment Hannah Arendt, qui avait beaucoup réfléchi au politique comme espace de l'apparence, pensait la visibilité collective. Et dans La condition de l'homme moderne, Arendt, dans ce livre de 1958, donne un exemple très intéressant, une anecdote de la Rome impériale rapportée par Sénèque. On avait proposé au Sénat de décréter le port d'un uniforme pour les esclaves, pour que dans la rue on puisse les distinguer des citoyens, et la proposition fut repoussée avec un peu d'anxiété, jugée dangereuse, car les esclaves, en se reconnaissant, pouvaient prendre conscience de leur puissance virtuelle. Et donc l'idée d'une apparence collective commune était inquiétante, ce qui prouve à quel point c'est important politiquement. Oui. Mais ce n'est pas cela en ce moment que les penseurs de la visibilité, de l'invisibilité mettent en avant. C'est plus individuel. Disons que je pense que ce qui est nouveau dans l'analyse philosophique de ces derniers temps, c'est la relation entre le psychique, l'individuel et le social. C'est-à-dire la façon dont, effectivement, une existence sur le plan individuel se voit psychiquement confirmée ou non par la capacité d'apparaître dans un espace. On est, en ce sens-là, dans une sorte de ce que j'appelais tout à l'heure un tournant visuel à la question sociale. On le voit bien dans les mouvements contemporains. Les mouvements des Gilets jaunes sont précisément... ce mouvement a été un mouvement de la visibilité. Il a fallu se rendre visible sur les ronds-points en endossant une couleur, donc en apparaissant, au fond. Ne pas apparaître, c'est justement l'une des grandes de l'homme contemporain. Et d'ailleurs, Hannah Arendt elle-même l'avait souligné dans un autre texte très intéressant dans son essai sur la Révolution, lorsqu'elle parle de John Adams aux États-Unis, qui lui-même évoque la condition du pauvre, et il dit que les pauvres errent la nuit, ils ne sont dans l'obscurité, et il a cette phrase que reprend Arendt, qui est terrible, quand il explique que pire que le besoin de faim qui tenaille un pauvre, il y a le fait de redouter l'obscurité, le fait d'être pris dans l'obscurité, comme s'il y avait là une sorte d'inexistence existence radicale qui compromettait toutes les possibilités d'existence. Alors c'est vrai que de ce point de vue, l'analyse contemporaine, je crois, philosophiquement, a explicité les conditions de ce nouage de l'individu à la société. Parce que au fond, pour une raison très simple, qui est que pendant très longtemps, on a cru philosophiquement que l'individu avait suffisamment de consistance pour exister par lui-même dans le champ social. Et puis, peu à peu, on a pris en considération le fait, notamment venant de la sociologie, qu'un individu n'existe que par un certain nombre de propriétés sociales qui le tiennent littéralement, qui le soutiennent. Il suffit d'enlever l'une des propriétés sociales majeures de notre existence, la possibilité d'avoir un logement, par exemple, ou la possibilité d'avoir un travail ou une couverture santé, pour comprendre que notre existence devient précaire et que, devenant précaire, elle bascule dans un champ de perception qui est, d'une certaine façon, une forme de perception amoindrie. Je me sens moins vu par les autres, parce que justement, je me sens dans un état de précarité sociale. Alors, Kaoutar Archi, vous avez écrit notamment « Comme nous existons », paru chez Actes Sud en 2021. Vous racontez vos années de collège, notamment. Vous habitiez dans le quartier de l'Elzo, à Strasbourg. Il y avait des groupes sociaux différents dans le bus, et notamment une scène très intéressante dans l'autobus permet de comprendre que la façon d'apparaître, le visuel, comme nous venons de le dire, est en réalité incroyablement mobile. Écoutez cette lecture. Il y avait, là, à l'avant de l'autobus, certaines assises, certaines debout, et, formant un petit cercle, quatre ou cinq filles aux cheveux clairs et aux yeux bleus. Elles arboraient les visages sublimes des comédiennes de séries télévisées que j'aimais regarder en fin d'après-midi. Du corps de ces filles plus âgées que moi, émanait une impression de pureté. La peau blanche, douce, le teint uni, poudré, fini au pinceau, exacerbait cette impression de perfection. Les lèvres roses, elles, scintillaient. Les cheveux étaient relâchés, attachés ou ramenés vers l'avant. Tant de beauté me fascina. Je fus touchée, au sens de saisie, ravie, au sens de transpercée aussi. Contempler la beauté de ces corps, en ce premier jour de rentrée scolaire, fit naître en moi le sentiment que je ne serais jamais belle comme ces filles pouvaient, savaient l'être. Soudain, l'une d'elles, la chef du groupe, la plus grande, celle à l'œil le plus clair, je m'en souviens, un clair transparent, se rapprocha brusquement de nous et nous demanda si c'était nos cheveux qui sentaient comme ça. « Comme quoi ?» je demandais. « Comme l'huile, » répondit-elle. Et d'ajouter « Il faudrait les couper, ces cheveux. » Peu à peu, toutes les filles se mirent alors à répéter ces mots. « Couper, il faut tout couper. » Puis, dans un même mouvement, elles se penchèrent sur nous et commencèrent à toucher nos cheveux, à jouer avec, à enrouler quelques boucles autour de leurs doigts, à examiner la texture des mèches jusqu'à en renifler quelques-unes. Je me souviens des visages de ces filles, des visages grimaçants, aux traits altérés, laid comme jamais je n'aurais pu croire que ces visages, soudainement, pouvaient sans les dire, par simple dégoût, de ce que Khadija et moi, à travers notre apparence, inspirions. Et telles des poupées chiffonnées par des mains impropres, nous n'avons rien dit, rien fait. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. C'était Chaïma Giboire de notre équipe qui prêtait sa voix pour lire Kaoutar Archi, Comme nous existons, ce récit paru chez Actes Sud en 2021. Kaoutar Archi qui est avec nous ce matin. Alors ce texte est extrêmement riche. Une première chose qu'on peut dire, me semble-t-il, je parle sous votre contrôle, Kaoutar Archi, c'est que les filles très très belles, de classe plus aisée, vous apparaissent très belles, magnifiques, un visuel impressionnant, écrasant aussi, au début de la scène. Tandis que le groupe auquel vous appartenez, lui, a une odeur. C'est pas le visuel d'abord, c'est l'odeur, et c'est l'odeur de l'huile dans les cheveux que vous portez qui attire la chef de l'autre groupe. intéressant, cette opposition, ce contraste entre la vue et l'odeur. Qu'en dites-vous ? C'est dur de se commenter soi-même. C'est très dur de se commenter soi-même, mais je vais essayer. Non, ce que je voulais dire plus sérieusement, c'est qu'effectivement, la scène qui a été ici lue est une scène qui me paraît assez fondamentale, mais fondamentale au sens où elle signale en cette année scolaire, premières années du collège, la découverte de la race, en fait. Alors, bien évidemment, à l'époque, je ne formulais pas les choses en ces termes-là, mais aujourd'hui, je le signifierais vraiment comme ça, c'est-à-dire la manière dont tout d'un coup, des corps, qui sont des corps légitimes, et qui sont des corps légitimes au regard du caractère très normé, très normal, très normatif même, de leur apparence, s'en prennent à d'autres corps qui, eux, sont considérés comme étant des corps déviants, des corps étant d'une manière trop insupportable à la vue de certains et de certaines. Donc la question raciale, elle est là absolument fondamentale, puisqu'elle naît dans le corps, elle se perpétue par le corps, et elle met en jeu des corps qui, d'une certaine manière, sont animalisés. La question de l'odeur, pour moi, ici, elle renvoie profondément à cette question-là, de l'animalisation, et d'autres corps qui s'humanisent et qui sont traités comme des corps subjectifs, comme des corps pouvant agir, pouvant se déplacer et pouvant exercer un pouvoir sur d'autres corps. Alors là, évidemment, voilà, j'étais dans un récit, donc la dimension individuelle était centrale. Je voudrais ajouter, merci d'avoir évoqué cette différence dans la manière dont s'appréhendent ces deux groupes de filles, liées à ce que vous appelez l'expérience de la race. Mais à la fin du texte, alors, ce qui est intéressant, c'est que votre regard sur ces filles de milieu aisé, que vous trouvez sublime dans le premier paragraphe, tout ça change complètement. La manière dont elles vous parlent, dont elles s'adressent à vous parlant de l'odeur de vos cheveux enduits d'huile, vous les trouvez laides à la fin. Donc, ça montre bien que la visibilité, c'est pas stable. Vous les trouvez laides, avec des visages dont le dégoût abîme les traits, le dégoût qu'elle semble avoir à votre égard, si c'est du dégoût d'ailleurs, parce que c'est peut-être une bonne odeur quand même, cette huile. Donc le visuel, c'est pas très stable, Kaoutar Archi. C'est effectivement pas très stable, et c'était une manière aussi d'insinuer ou de dire très, très simplement que la question morale existe, en fait. Pour moi, la question de la reconnaissance, elle est aussi traversée par une question morale fondamentale. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, au sens où qu'est-ce que bien traiter l'autre, qu'est-ce que mal traiter l'autre. Et on voit ici que la question de la visibilité, comme je le disais, dans un contexte post-colonial, on pourrait même dire dans un contexte post-socialiste, après tout, implique des violences très, très puissantes. Donc, du côté des groupes dominés ou des groupes subalternes, qui ne sont jamais stables dans la domination qu'ils subissent, il y a aussi des modalités de résistance, il y a aussi des modalités de renvoyer à l'autre la violence, de rendre la violence, de ne pas la garder. Je pense que pour moi, dans ma perspective, écrire ce récit a été une manière de rendre la violence, de ne pas la garder pour moi, de ne pas la subir de manière perpétuelle. Et ça repose à nouveau cette question des stratégies et puis des différentes dynamiques. Le fait de se faire voir, c'est aussi une politique de la résistance, une politique de la subversion, voire une politique révolutionnaire. Donc il y a quelque chose, à mon avis, de très fondamental dans la nécessité de penser la visibilité avec la reconnaissance, bien sûr. Mais de mon point de vue, c'est vraiment plutôt du côté de la justice qu'il faut creuser un peu davantage. Donc voilà, il y a aussi, par rapport aux travaux d'Axel Honneth, les travaux de Nancy Fraser, qui viennent aussi enrichir tout ça. Serge Tisseron. Oui, il y a un aspect qui me frappe beaucoup dans le texte qui vient d'être lu, c'est l'importance que Kaoutar Archi accorde à sa description de ses filles. Elle les regarde longuement. Et puis elle dit « j'en suis touchée, transpercée ». Et imaginez ces filles blondes qui se sentent regardées par une fille brune et qui se sentent regardés avec tout le background aussi quand même que ces filles ne peuvent pas ignorer de ce qu'a été la colonisation occidentale. Donc qu'est-ce qu'elles peuvent se dire? Ce qui manque finalement, c'est l'autre point de vue. C'est-à-dire, j'imagine très bien ces filles blondes se dire « Mais qu'est-ce qu'elle nous veut celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle nous veut? Pourquoi elle nous regarde comme ça ?» Notre tête ne lui revient pas, elle a des reproches à nous faire, mais nous on ne les a pas colonisés, ses parents. C'est nos parents qui les ont colonisés peut-être, mais nous on n'a rien à faire avec ça. Pourquoi elle nous regarde comme ça, celle-là? Et donc du coup, il y a un phénomène qu'on connaît bien en psychologie, c'est l'attaque-fuite. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation de proximité physique dans laquelle vous ne pouvez pas fuir et vous avez l'impression que vous êtes interpellé par le regard, par le geste, par l'attitude, eh bien vous répondez par l'attaque, parce que la fuite n'est pas possible. Donc si vous voulez, il y a aussi toute cette dimension à prendre en compte, et ce texte, effectivement, vous avez raison, est très très riche parce que il intègre cette dimension-là. Oui. Et peut-être que si Kawtar Archi n'était pas mise à regarder ses filles comme ça, à rêver sur elles, à fantasmer sur elles, ça ne serait rien passé. Vous voyez, et donc ça réintroduit cette dimension individuelle dans un processus qui est à chaque fois un background collectif, mais qui a aussi chaque fois un aspect individuel. Guillaume Leblanc. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, et aussi à l'interprétation de ce très beau texte. Et je trouve, comme vous le disiez, que l'idée de l'instabilité du visuel est une chose très très intéressante aussi dans les ressources critiques que ça propose. Parce qu'au fond, c'est vrai que il y a des attendus de visibilité qui constituent le domaine de la vie en société. Voir, c'est voir d'une certaine façon. Construire un regard à partir de certains stéréotypes. C'est, au fond, voir depuis un œil intérieur qui est toujours façonné par un certain nombre d'éléments, au fond, ont à voir avec les grandeurs sociales, économiques, politiques de notre monde ambiant. Il y a un cadrage, comme dirait Butler, de la perception visuelle. Mais précisément, ce cadrage exclut toujours d'autres formes visuelles qui peuvent revenir contester le cadrage initial. Et dans ce texte, ce que je trouve très beau, c'est dans ce mouvement, il y a par l'écriture une contestation du premier cadrage visuel qui finit effectivement par faire dire que elle ne les trouve pas belles, elle les trouve laides. Et donc il y a un renversement de l'hégémonie visuelle initiale. Mais cette hégémonie visuelle, je sais bien qu'Axel Honneth dit qu'au fond, il y a des gens dans la société qui ne sont pas regardés et qui, eux, regardent. Mais ce qui est passionnant, nous ne l'avons pas mis dans l'extrait précédent d'Axel Honneth, mais c'est qu'au début de cet extrait, en fait, il y a un autre passage où il dit « Mais les nobles, dans la société d'Ancien Régime, s'autorisaient à se dévêtir devant leurs domestiques, tout simplement parce que ça n'avait aucune importance, ils ne se sentaient pas vus. Mais vous voyez, là, c'est une invisibilité agréable, semble-t-il. Donc, le concept d'invisibilité, il est quand même terriblement plastique. D'un côté, ça dit une souffrance chez les dominés, et chez les nobles, ça dit le plaisir de pouvoir être soi-même, de se moquer complètement du regard de l'autre. Drôle de concept quand même. Oui, exactement. Et il y a une drôle d'histoire de l'invisibilité. Là, je voudrais dire deux éléments qui me semblent importants. Je crois que on est dans une histoire du visuel et de l'invisibilité qui est très intéressante, parce que si on prend, si on remonte à Hérodote, à Platon, l'invisibilité était signe de pouvoir. On se souvient de l'anneau de Gyges que découvre justement ce berger dans la République de Platon, et qui fait qu'en tournant le chaton de sa bague, il devient invisible et du coup peut épouser la reine, tuer le roi. L'invisibilité est signe de pouvoir. Et encore dans le roman de Wells, L'homme invisible, on a l'idée que du coup on va pouvoir fuir ses créanciers, on va pouvoir commettre des larcins sans être vu. Et à un certain moment, je dirais qu'il y a un renversement des rapports à l'invisibilité. L'invisibilité n'est plus pouvoir, elle est impuissance sociale. Elle est justement épreuve de l'humiliation totale. Et c'est ce moment de bascule qu'analyse justement Axel Honneth à travers notamment l'exemple qui est assez étonnant de ces nobles qui ne se sentent même pas vus par leur vallée. Mais vous savez, c'est pas quelque chose de très ancien. Après tout, Florence Aubenas, dans le quai de Ouistreham, quand elle travaille sur une plateforme dans une entreprise, explique très bien comment elle est un prolongement de son aspirateur qui fait que le cadre qui vient fricoter avec une jeune femme dans le même espace où elle se trouve ne la voit même pas. Oui, mais elle en souffre alors que le noble, il en joue ne pas être visible, de s'en moquer complètement. Oui, mais parce que effectivement, on est dans la construction d'une humiliation par le fait de ne pas vouloir voir quelqu'un. Et Honnête propose une distinction très intéressante entre une invisibilité passagère, au fond, liée à un défaut d'attention, et une invisibilité réitérée, performée. Il dit que c'est performatif. C'est le fait de continuer à refuser de te voir qui produit l'humiliation de l'invisibiliser, justement. Oui, donc en fait, on pourrait dire que c'est quand même le domestique qui est invisible dans la scène où le noble se met nu devant eux plus que le noble. Mmh. C'est ça que vous voulez dire, peut-être. Oui, si je peux rajouter un mot. Je crois que Norbert Elias donne une autre interprétation de cette invisibilité du petit personnel pour les nobles. C'était que les nobles n'avaient pas à craindre d'agression de leur petit personnel, alors que le petit personnel avait toujours à craindre une agression du noble, une agression physique, une agression sexuelle. Sûr. Et donc c'était moins en termes d'invisibilité au sens où on en parle aujourd'hui, qu'en termes d'impossibilité, qu'en termes de risque possible. Donc c'était une relation de pouvoir. C'était pas le fait d'ignorer, c'était le fait que le petit personnel était réduit à une totale impuissance. Il ne pouvait rien faire contre le noble. Et c'était donc leur dénier toute possibilité d'improviser un comportement. Ils n'avaient pas d'autre possibilité que d'agir le comportement qu'on attendait d'eux. Sinon, il y avait une agression possible. Donc le but, Serge Tisseron, et ce sera hélas notre dernier mot, notre dernier échange, le but finalement, c'est moins d'être visible que de contrôler parfaitement les effets de sa propre visibilité. Je crois, d'avoir la possibilité d'improviser sa propre vie, de ne pas être réifié dans un statut d'invisibilité, parce que celui qui ne me voit pas me dénie toute possibilité d'agir sur lui. Et je réclame, moi, le droit de pouvoir influencer les autres, de pouvoir les interpeller. Mais si je suis ignoré, ce droit m'est dénié. Et donc, du coup, c'est mon droit à la socialisation telle que je décide de l'organiser qui m'est dénié. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui me nie en tant qu'être humain, c'est-à-dire en tant que membre du collectif, puisque l'homme est une créature sociable. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton. Les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Aïcha, regarde-moi. Oh, oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Comme si je n'existais pas, écoute-moi, regarde-moi. Ben voilà, nous avons choisi comme chanson de fin Cheb Khaled, Aïcha, en 1996, c'est une chanson écrite par Jean-Jacques Goldman. Je suis très heureuse des échanges qui ont eu lieu ce matin entre Kaoutar Archi, Guillaume Leblanc et Serge Tisseron. Il reste beaucoup de grains à moudre. Hein. Je pense que ça nous prépare, ça annonce d'autres émissions sur ces sujets, la visibilité, la reconnaissance, le droit à l'ombre, l'extimité, Serge Tisseron. Merci beaucoup. Je vous propose à présent d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, vous le savez, il nous parle de la force et de la justice. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi faut-il lire les pensées de Pascal sur la force et sur la justice ? On considère souvent le grand livre posthume de Blaise Pascal, les pensées, dans leur succession de textes décousus que certains ont tenté de recoudre comme un grand discours d'ensemble, un grand livre que cela est de toute façon. On considère souvent les pensées de Pascal seulement sur leur plan métaphysique ou littéraire, extrêmement puissant, bien entendu, pour tous les aspects de notre vie. On pense au Paris de Pascal, on pense aux grandes pensées de Pascal sur la condition humaine, la réfutation des libertins, et on ne voit pas souvent leur aspect proprement politique. Or, il y a une grande pensée politique de Blaise Pascal, une pensée politique dont le cœur est l'opposition entre la force et la justice. L'opposition entre force et justice est un des fils rouges des pensées de Pascal, avec cette thèse, au fond, à la fois fondamentale et terrible, qu'elle structure tout notre désir de justice, c'est de s'opposer à la force, mais que pour des raisons qui, en effet, chez Blaise Pascal, sont aussi théologiques, à savoir le péché originel, la façon dont les humains ont transgressé eux-mêmes la justice divine, eh bien, ce désir de justice ne peut jamais s'incarner complètement, et la force règne là où la justice devrait régner, un peu comme nous sommes aussi privés de la vérité éternelle à laquelle nous aspirons, et livrés au doute qui est notre condition. Il n'y a en nous, dit-il, un désir de vérité, invincible à tout le pyrrhonisme, à tout le scepticisme, mais il y a aussi évidemment un doute qu'aucun dogmatisme ne peut réfuter. Et donc il y a ce balancement chez Pascal qui tient à la condition humaine, grandeur et misère de la condition humaine, la grandeur dont le signe est notre désir de vérité et de justice, un peu comme chez Emmanuel Kant plus tard, l'aspiration à la justice est en soi un signe de notre destination morale, mais cette destination morale de l'humanité, ce désir de justice est contredit par la réalité de la force. Et cette réalité de la force, Pascal va la chercher jusque dans les apparences du pouvoir. C'est la raison des effets, c'est le fait que le pouvoir n'est jamais fondé sur une légitimité abstraite. Il est fondé, dit-il, sur la force du glaive, sur la force qui accompagne le politique, sur les gardes du corps. Le garde du corps, par exemple, d'un chef d'État, ce n'est pas un appareil secondaire, c'est sa puissance même, nous dit Pascal, c'est la raison des effets. C'est le carrosse qui fait la puissance et non pas la puissance qui est indépendante du carrosse et qui serait transmise par une légitimité divine ou humaine. Ainsi, Pascal va au plus loin de l'opposition entre la force et la justice, ainsi dans cette pensée célèbre, bien entendu, qui nous dit que ne pouvant faire que ce qui est juste soit fort, les hommes ont fait que ce qui est fort soit juste. Et donc c'est la force qui définit la justice dans notre condition humaine, toujours livrée au doute et à la controverse. La force qui fait aussi que ce qui est juste en deçà des Pyrénées ne l'est pas au-delà. La force qui introduit sa relativité, son arbitraire, l'arbitraire des rapports de force, partout où nous attendions l'absolu d'un principe de justice. Mais en faisant de cette réalité de la force, notre condition, Pascal ne nous livre pas simplement au désespoir. Il nous donne une boussole, car la boussole, c'est l'opposition de la force et de la justice. Ne vous laissez pas prendre au prestige de la force. N'hésitez pas à voir avec l'œil critique du vrai sage qui va derrière la raison des effets. N'hésitez pas à voir derrière la prétention à la justice la réalité de la force et du glaive. Maintenons l'exigence de la justice contre les illusions de la force. C'est fondamental au moins pour ne pas céder au désespoir et garder un principe dans le brouillard de la guerre. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Jean-Guilain Meige. Elle a été préparée en particulier par Chaïma Giboire et le reste de l'équipe, Carla Michel, Anna Fulpin, Hector Paillasson et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!